Chapitre 19. Ainsi, c'était bien Maurice d'Escorval que le marquis de Sermeuse avait surpris, s'échappant de la maison de Monsieur Lacheneur. Martial n'avait aucune certitude, il se pouvait que l'obscurité l'eût trompé, mais le doute seul suffisait à gonfler son cœur de colère. « Quel personnage fais-je donc ? » s'écriait-il. « Un personnage ridicule, assurément !» Si épais était le bandeau noué sur ses yeux par la passion, qu'il n'apercevait rien des circonstances les plus frappantes. L'amitié cérémonieuse de Lacheneur, il la tenait pour sincère. Il croyait au respect étudié de Jean. Les empressements presque serviles de Chanlouineau ne l'étonnaient pas. Enfin, de ce que Marie-Anne le recevait sans colère, il concluait qu'il s'avançait dans son esprit et dans son cœur. Ayant oublié, il imaginait que les autres ne se souvenaient pas. Après cela, il se figurait s'être montré assez généreux pour avoir des droits à une certaine reconnaissance. Monsieur Lacheneur, outre tous les objets choisis au château, avait reçu le montant du legs de Mademoiselle Armande et une indemnité. Le tout allait à une 60 000 francs. « Il serait, Jarnibieux, bien dégoûté s'il n'était pas content, » maugréait le duc, furieux d'une prodigalité et qui cependant ne lui coûtait rien. Encore entretenu dans ses illusions par l'opinion de son père, Martial se croyait un peu chez lui dans la maison de Monsieur Lacheneur. Le soupçon des visites de Maurice faillit l'éclairer. « Serais-je donc dupe d'une rouée ? » pensa-t-il. Son dépit fut tel que, pendant plus d'une semaine, il prit sur lui de ne point se montrer à la Reiche. Cette bouderie, le duc de Sermeuse la devina, et, l'exploitant avec l'adresse de l'intérêt en éveil, il en sut tirer le consentement de son fils à l'alliance avec les Courtaumieux. Livré jusqu'alors aux plus cruelles indécisions, Martial avait esquivé toute réponse catégorique. Habilement agacé, il s'écria enfin « Soit, j'épouse Mademoiselle Blanche !» Le duc n'était pas un homme à laisser refroidir ses bonnes dispositions. En moins de 48 heures, les démarches officielles furent faites, on rédigea un projet de contrat, les paroles furent échangées, et on décida que le mariage serait célébré au printemps. C'est à Sermeuse qu'eut lieu le dîner des fiançailles, dîner d'autant plus gai qu'on y célébrait de petites victoires. Le duc de Sermeuse venait de recevoir, avec son brevet de lieutenant général, une commission qui lui attribuait un commandement militaire à Montaignac. Le marquis de Courtaumieux, qui avait à faire oublier les adulations prodiguées à l'empereur, venait d'obtenir la présidence de la cour prévôtale, instituée à Montaignac, pour y servir les haines et les terreurs de la Restauration. Mademoiselle Blanche triomphait. Après cette fête, déclaration publique, Martial se trouvait lié. En effet, pendant une quinzaine, il ne la quitta pour ainsi dire pas. Elle le pénétrait d'un charme dont la douceur infinie lui faisait presque oublier la violence de ses sensations auprès de Marie-Anne. Malheureusement, l'orgueilleuse héritière ne sut pas résister au plaisir de risquer une allusion assez obscure, du reste, à ce qu'elle appelait la bassesse des anciennes inclinaisons du marquis. Elle trouva l'occasion de dire qu'elle faisait travailler Marie-Anne pour l'aider à vivre. Martial se contraignit à sourire, mais l'indignité du procédé le forçait à plaindre Marie-Anne. Et le lendemain même, il courait chez Lacheneur. À la chaleur de l'accueil qui lui fut fait, toute rancune se fondit, tous ses soupçons s'évaporèrent. La joie de le revoir éclatait même dans les yeux de Marie-Anne. Il le remarqua bien. « Oh, je l'aurai !» pensa-t-il. C'est qu'en réalité, on était bien heureux de son retour. Fils du commandant des forces militaires de Montaignac, gendre ou autant dire du président de la cour prévôtale, Martial devenait un instrument précieux. « Par lui, avait dit Lacheneur, nous aurons l'œil et l'oreille dans le camp ennemi. Le marquis de Sermeuse, le fat, sera notre espion. » Il le fut, car il eut vite repris l'habitude de ses visites quotidiennes. Le mois de décembre était venu, les chemins étaient défoncés, mais il n'était pluie, neige, ni boue, capable d'arrêter Martial. Il arrivait vers 10 heures, s'asseyait sur un escabeau, contre l'âtre, sous le haut manteau de la cheminée, et ils parlaient. Marianne paraissait s'intéresser prodigieusement aux événements. Il lui contait tout ce qu'il pouvait surprendre. Parfois, il restait seul. Lacheneur, Chanlouineau et Jean couraient la campagne pour le commerce. Les affaires allaient si bien que M. Lacheneur avait acheté un cheval afin d'étendre ses tournées. Mais le plus souvent, les causeries de Martial étaient interrompues. Il eût dû être surpris de la quantité de paysans qui se présentaient pour parler à M. Lacheneur. C'était une interminable procession. Et à tous ses clients, Marianne avait quelque chose à dire en secret. Puis elle offrait à boire. La maison était comme un cabaret. On ne sait où l'âpreté des convoitises peut mener un homme amoureux. Rien ne chassait Martial. Il plaisantait avec les allants et venants. Il donnait une poignée de main. À l'occasion, il lui arrivait de trinquer. Il eût accepté bien des choses. N'avait-il pas offert à Lacheneur de l'aider à mettre ses comptes au net? Et une fois, c'était au milieu de février, comme il voyait Chanlouineau très embarrassé pour composer une lettre, il voulut absolument lui servir de secrétaire. « C'est que ce n'est pas pour moi cette damnée lettre, » disait Chanlouineau. « C'est pour un oncle à moi qui marie sa fille. » Bref, Martial se mit à table, et sous la dictée de Chanlouineau, non sans maintes ratures, il écrivit. « Mon cher ami, nous sommes enfin d'accord et le mariage est décidé. Nous ne nous occupons plus que de la noce qui est fixée à... Nous vous invitons à nous faire le plaisir d'y venir. Nous comptons sur vous, et vous devez être persuadé que plus vous amènerez de vos amis, plus nous serons contents. Comme la fête est sans façon et que nous serons très nombreux, vous nous rendrez service en apportant quelques provisions. » Si Martial eût pu voir quel sourire avait Chanlouineau en le priant de laisser en blanc la date de la noce, il eut, à coup sûr, reconnu qu'il venait de tomber dans un piège grossièrement tendu. Mais il était fasciné. « Ah ça, marquis, lui disait son père, Chupin prétend que vous ne sortez plus de chez Lacheneur. Quand donc en aurez-vous fini avec cette petite ?» Martial ne répondit pas. Il se sentait à la discrétion de cette petite. Près d'elle, il perdait son libre arbitre, et chacun de ses regards le remuait comme une commotion électrique. Elle lui eût demandé de la prendre pour femme, qu'il n'eût pas dit non. Mais Marianne n'avait pas cette ambition. Toutes ses pensées, tous ses vœux, étaient pour le succès de son père. Maurice et Marianne devaient être les deux plus intrépides auxiliaires de M. Lacheneur. Ils entrevoyaient, après le triomphe, une si magnifique récompense. N'est-ce pas dire la fiévreuse activité que déploya Maurice? Toute la journée, il courait les hameaux des environs. Et le soir, aussitôt le dîner, il s'esquivait, traversant l'Oiselle dans son bateau, et volait à la Rèche. M. d'Escorval ne pouvait pas ne pas remarquer, à la longue, les absences de son fils. Il surveilla, et acquit la certitude que Lacheneur l'avait embauché. Ce fut son expression. Saisi d'effroi, il résolut d'aller sur le champ, sans prévenir Maurice, trouver son ancien ami, et prévoyant un nouvel échec, il pria l'abbé Midon de l'accompagner. C'était le 4 mars, vers 4h30, que M. d'Escorval et le curé de Sermeuse prirent le chemin des Landes de la Rèche. Si tristes ils étaient et si inquiets, ils n'échangèrent pas 10 paroles le long de la route. Un spectacle étrange les attendait à la sortie du bois. Le jour tombait, mais on distinguait encore les objets. Devant la maison de Lacheneur se tenait un groupe d'une douzaine de personnes, et M. Lacheneur parlait. Que disait-il? Ni le baron ni le prêtre ne pouvaient l'entendre. Mais il y eut un moment où les plus vives acclamations accueillirent ses paroles. Aussitôt, une allumette brilla entre ses doigts, il alluma une torche de paille et la lança sur le toit de chaume de sa maison en criant d'une voix formidable. « Le sort en est jeté. Voilà qui vous prouve que je ne reculerai pas. » 5 minutes après, la maison était en flammes. Dans le lointain, on vit une des fenêtres de la citadelle de Montaignac s'éclairer comme un phare, et de tous côtés, l'horizon s'empourpra de lueurs d'incendie. On répondait au signal de Lacheneur.